mort pour un verre plein d'inter. On n'en peut plus de la viande cachère. Trop de pignoules, trop de canards. Bienvenue au Vélodrome d'hiver. Maître Goldnadel nous a prévenus. La guerre civile sera crépue. Fini le trafic de Dramadol. Sans Abdelkrim, la fête est plus folle. La décadence sera stoppée. Les Arabes seront arrêtés. Les Juifs seront envoyés en vacances. Et puis nous allons gagner. Nous allons gagner la guerre civile. La décadence sera stoppée. Les Arabes seront envoyés en vacances. Avec les Juifs à Treblinka. La patience des Français est à bout. Vous avez tué Lola. Vous avez tué Charlie. Vous avez tué Samuel Tapie. Maintenant on va vous crever. On va vous crever, putain. Vous avez tué Grégory. Mais vous n'aurez pas Mila. Et puis on fera du compost avec vos cadavres de singe. Voilà ton destin, maman. Quand c'est trop bigot.